Merci d'avoir choisi RIG, la radio des Beatles. Vous êtes bien sur RIG 90.7. Il est très exactement 20h. Join me on RIG. RIG. Oh, la marche était vraiment toujours de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes, ça me fait plaisir d'avoir retrouvé ma voix parce que la semaine dernière c'était pas ça quand même, hein, c'était bon. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'album acoustique de John Lennon en 2004. C'est la 356e édition de La Cigale et Fab Four et nous sommes le 20 décembre, bientôt la fin de l'année 2017. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ici, bah écoutez, apparemment Internet ça marche, donc tant mieux. La FM, ça a toujours marché sur 90.7, donc c'est bien. Et ma gorge va mieux, donc que demande le peuple? Eh bien, le peuple demande 20, 30 titres même, 31 peut-être si on a le temps, titres de John, Paul, Ringo, George et Amy dans La Cigale et Fab Four. Et c'est ce qui va être donné ce soir sur RIG. L'album de la semaine, donc on écoutera Working Class Hero, plus un petit plus que je vous ai concocté, je vous en parle après. Il y aura également Love, non pas la version piano, mais la version guitare. Vous allez voir, c'est très sympa. Watching the Wheels, Imagine en live, mais à la guitare, je crois, me souvenir. Real Love, la version à l'époque de John Lennon seul. Look at Me, ce sera pour l'album de la semaine. Il y aura également du McCartney, du Harrison, du Star et des Beatles. George Harrison, ce sera Miss O'Dell, la version rigolote, vous savez. C'est la phase B de Give Me Love, Give Me Peace on Earth, le single en 73. Pour Ringo Starr, il nous fera pleurer avec Love Don't Last Long, l'amour ne dure pas longtemps, sur Beaucoup de Soft Blues en 72. Et puis les Beatles remettront tout dans le bon sens en disant P.S. I love you. Voilà, beaucoup d'amour ce soir. Et on commence par Working Class Hero de John Lennon sur l'album acoustique en 2004. Bonne soirée à vous tous. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Bonne soirée. I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try, okay? As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile when you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Il s'agit de la première et de la dernière chanson de l'album, si je ne me suis pas trompé. Je trouvais que l'association des deux donnait bien, c'était plutôt sympathique. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais leur proposer, puisque ça donne bien. Voilà. It's Real, ça s'appelle, ce petit morceau sifflé de John Lennon. It's Real, c'est vrai, c'était réel. George Harrison, Miss Odell sur RG. Your bar shores. It's boring me to tease. Why don't you call me Miss Odell? I'm the only one down here who's got nothing to fear from the wave or the rice. He's rolling on right up to my front porch. Your player's broken on the floor. I beg Miss Odell. And shoving, ringing on my bell. It's not for me tonight. Why don't you come, Miss Odell? Why don't you call me, Miss Odell? Austin 6922. Ringo Starr, Love Don't Last Long. En 1970, sur l'album beau Club Soft Blues. Her mother wrote a letter, said she thought it would be better if she would just stay gone. She knew of her condition, but she wouldn't give permission for her to come back home. So she called the boy who loved her, but all he did was snub her, said, "Face it on your own." Love don't last long. A young man was unlucky and got busted in Kentucky, asked his dad to go his bail. But his dad had big ambitions with the local politicians, told his son to go to hell. He hung himself that morning, and the note that they found on him said, "Dad, please take me home." Love don't last long. A woman told her husband she lived every day to love him. Nothing else fits in her plans. Then without a warning, he came home from work one morning, found her there with another man. In a fit of anger, he took her life and the stranger's. Then he took his own. Love don't last long. C'est le moment de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable à Londres du Beatles Magazine, si vous voulez tout savoir sur Paul, John, Ringo, George, les tournées de Paul, l'avenue bientôt de Ringo, le 6 juin à Paris, j'y serai. Et bien, vous avez des renseignements sur Beatles Magazine, beatlesmagazineuk.com. C'est sur Facebook, sur Google, sur Twitter, sur plein d'autres plateformes. Allez-y, renseignez-vous. Il y a des millions de visiteurs tous les jours et c'est vraiment une mine de renseignements. Vous avez même des renseignements sur les animateurs qui font des émissions radio, comme votre serviteur, comme Daniele, qui fait une émission à 21h en Italie, comme plein d'autres. Il y en a, j'en connais deux sur les côtes est et ouest des États-Unis, etc. Donc, renseignez-vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et même 366 jours si c'est une année bissextile. Beatles Magazine, uk.com. Merci, Lovely Rita. C'est la saga. RIG 90.7, la radio des Beatles. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Yes. étant presque le Cha-Cha Boom, composé en 1961 sur une idée de Paul et rapidement intégré dans leur répertoire. P.S. I Love You fit la joie du public de la caverne et fut l'une des quatre chansons que les Beatles proposèrent comme choix possible pour la phase B de leur premier 45 tours. Elle parut finalement en phase B de la chanson Love Me Do. Et puisqu'on parle de love, nous voici sur l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album acoustique de John Lennon en 2004. Et cette chanson, Love, non pas au piano comme en 1970 sur l'album Plastic Ono Band, mais à la guitare sèche. Écoutez, c'est superbe. Love is real. Que c'est Noël bientôt, donc voici une chanson de Noël, Wonderful Christmas Time, par Paul McCartney sur RIG. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. The feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Having a wonderful Christmas time. all year long. I do love If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. There. I wonder what went wrong and waited far too long. But I think I'll take a walk and look for her. Deux chansons pas trop connues des Beatles en 1963 pour la première, Devil in Her Heart, et 64, quelle belle année, pour la seconde sur l'album For Sale, I Don't Want to Spoil the Party. J'avais envie de mettre l'accent sur les premières années des Beatles et surtout sur les harmonies vocales si belles des Beatles dans les premières années. Ça ne veut pas dire qu'après ils n'en ont pas fait, mais là sur le début ça s'entend énormément. Nous allons franchir les années, passer de 1964 à 1974, 10 ans plus tard, et Ringo Starr qui vous dit « Appelle-moi si tu veux me voir ». Appelle-moi, on appellerait bien Ringo. Call me sur l'album Goodnight Vienna. A bad dream. Try, yeah, you and I. We revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Acoustic, sorti en 2004. Yoko Ono, oui, c'est grâce à elle qu'il y a cet album-là, a choisi de prendre une chanson ici et là, durant toute la carrière post-Beatles, forcément, de John Lennon, et elle a choisi même de reprendre Watching the Wheels à la guitare. Évidemment, c'est pas elle qui joue, et heureusement, mais je veux dire, pour l'album, la version de John Lennon, la voici, Watching the Wheels, très belle version en acoustique. Crazy, doing what I'm doing. They give me all kinds of warnings, save me from ruin. And when I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. But surely you're not happy now, you know. She's in the room. j'aime bien faire ça quand je vous surprends, vous qui êtes à l'écoute de la saga des Fab Four depuis quelques mois, quelques jours, quelques fois, quelques mois, quelques années, ça arrive, hein. Il y en a qui écoutent depuis très longtemps la saga des Fab Four, et bien j'arrive quelquefois à vous surprendre en vous proposant un titre que je passe rarement, que vous n'avez pas écouté si vous n'écoutez pas constamment la saga, si vous n'avez pas tous les disques de nos amis les Fab Four. Et bien je vous ai proposé Sweet Sweet Memory, qui est une phase B en 1993 de Off the Ground, l'album Off the Ground. Elle n'est pas sur l'album Off the Ground. Paul McCartney avait la fichue habitude de nous faire des phases B qui n'étaient pas sur les albums. Après, ça peut ressortir sur les best-of, bien entendu. Mais quand on avait envie d'avoir de la qualité, eh bien, il fallait aussi acheter les 45 tours ou les CD hein, quand c'est sorti, parce qu'il y avait de l'inédit et du bon et du très très bon. On revient en 1970 avec George Harrison et cette chanson-là qu'il avait écrite alors qu'il était encore un Beatle, mais qu'il avait gardé avec lui. Il parlait de toutes les fans, toutes les filles qui étaient en bas des studios Apple des Beatles et qui avaient envie de les rencontrer, qui les appelaient les Apple Scruffs, les pelures de pommes. Bah oui, Apple, c'était tout l'humour de George Harrison. Voici cette belle chanson à l'harmonica, entre autres, de George Harrison sur All Things Must Pass, sortie donc après les Beatles, mais composée pendant les Beatles. My tears, now it's been a long, long time. And now you've been on my mind, my apples crossed. Apples crossed, apples crossed. How I love you, how I love you. Je rappelle que George Harrison, après 1970, plus tard, a dit que durant les Beatles, il s'était senti un petit peu comme constipé. Ah oui, on ne lui donnait que une ou deux chansons par album, pas plus. Alors que à partir de 65-66, il commençait à composer sérieusement. Enfin, sérieusement, c'est pas un péjoratif, hein, je veux dire de plus en plus. Et puis, à partir de 68, c'est vraiment de la qualité de ses collègues. Quand on voit While My Guitar Gently Weeps, c'est absolument extraordinaire. Eh bien, il a retenu, il a gardé tout ça. Il en a donné à d'autres chanteurs également. Quelquefois, il a composé pour d'autres. Et puis, en 1970, eh bien, il s'est relâché. C'est Dixit George Harrison en libérant cet album All Things Must Pass que vous devez avoir, car c'est vraiment un excellent album. Vous êtes bien sur RIG 90.7. C'est la saga des Fab Four, la numéro 356. Et je vous propose de revenir à l'album ou aux albums des débuts des Beatles avec I'll Be Back d'abord. Chanson extraite de Hard Day's Night. Et ensuite, il y aura You Won't See Me sur l'album suivant, l'album Rubber Soul, enfin l'album de l'année suivante, je voulais dire, évidemment. Voici les Beatles sur RIG. You know, I'll go, but I'll be back again. Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh. You could find things to do than to break my heart again. Time, I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. d'autres des chansons composées par Paul McCartney durant la période de crise de sa relation avec Jan Asher. La situation avait entre-temps empiré et il découvrait maintenant les affres des appels téléphoniques sans réponse et les autres marques de délaissement. Ce reflux de sa bonne fortune amoureuse eut une excellente influence sur ses compositions parce que cela l'avait rendu vulnérable. Il n'avait encore jamais envisagé la vie de ce point de vue. Pour Beatles for Sale et Help, il se contentait d'imaginer les situations sur lesquelles se fondaient ses chansons d'amour. Mais maintenant, et peut-être pour la première fois, il les vivait réellement. Et ses chansons y gagnèrent en sincérité. You Won't See Me fut enregistrée durant la dernière séance de Rubber Soul le 11 novembre 1965, tandis que Jane jouait Great Expectations, les grandes espérances de Dickens, au Théâtre Royal de Bristol. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette belle chanson en harmonie vocale. Celle-ci, c'est Imagine à la guitare. L'album de la semaine, acoustique, John Lennon sur la LG. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. That's right. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say merci John. John en live, et c'est extrait de l'album acoustique, sorti en 2004. Nous arrivons déjà, voyez, à force d'avoir essayé de rattraper du temps, eh bien je suis en avance, nous arrivons, parce que les chansons des Beatles sont courtes, c'est pour ça. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson pratiquement, enfin, qui est chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit en solo ou en tant que Beatles, mais même si ça n'est pas une chanson d'eux, si eux-mêmes ont repris une chanson de, par exemple, Little Richard ou un truc comme ça, la cover, c'est quelqu'un qui reprend une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George. C'est clair? Là, par exemple, la cover, eh bien, elle date de 2017. Le nouvel album de Jeff Lynne, qui s'appelle When Blaze or Bust, très bon album où il reprend des chansons d'Electric Light Orchestra qu'on adore. Il reprend également des chansons de ses albums solo. Et puis il dit j'ai également fait partie d'un groupe fin des années 80 et je voudrais rendre hommage à George Harrison avec cette chanson Handle With Care, reprise en 2017 par Monsieur Jeff Lynne. Voici la cover de R.I.G., la cover de la saga surtout. Here's one now from one of my other groups called The Traveling Wilburys. Oui. Thank you. And it's called Handle With Care. McCartney here, and you're listening to RG. Widescreen Radio. You look a little lonely. Maybe I could meet you. Tell me where to reach you, and I'll give you rain. I take you to the pictures. I miss the second feature. Lord, I can't believe my eyes. I must be dreaming. Little hungry, maybe I could take you. tell me when to wake you, and I'll give you a ring. I take you to the restaurant, we're looking at the menu. Lord, I can't believe my eyes, I must be dreaming. Tell me where to reach you, and I'll give you a ring. I take you to the pictures, miss the second feature. Lord, I can't believe my eyes, I must be dreaming. Sleepy, wanna go to bed, dear. Tell me we can wed, dear, and I'll give you a ring. Take you to the chapel, listen to the sermon. Lord, I can't believe my ears, I must be dreaming. Évidemment, ça c'est la phase B de Take It Away en 1982. Si vous aviez acheté le 45 tours, vous aviez cette chanson-là. Alors, il triche, Paul, parce que maintenant, si vous avez acheté l'album Deluxe Take It Away, eh bien, vous avez la chanson aussi. Elle a été rajoutée sur la version Deluxe. Ah oui, bah voilà, comme ça, on n'a plus besoin d'avoir acheté les 45 tours. C'est bien, parce qu'au moins, on a la chanson, et quand c'est bien fait, c'est comme ça. On a écouté pour l'instant qu'une seule chanson de Noël. En voici une deuxième. Et il était normal de présenter celle de John Lennon. Voici Happy Christmas, War is Over, si ça pouvait être vrai. John Lennon sur RIG. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. Thank you. Ouais, Happy Christmas tout le monde, même s'il y a Yoko dans les cœurs. Bon, allez, c'est Noël. Voici une autre chanson rare, une face B de George Harrison cette fois-ci. C'est la face B de Dark Horse en 74. Donc la voix n'est pas éteraillée, comme moi la semaine dernière par exemple. Et il dit, j'en ai plus rien à foutre. Donc la chanson est moyenne, je l'aime pas tellement. Mais comme je la passe très rarement, j'avais envie de vous la proposer des fois que vous, vous aimeriez cette chanson-là, sait-on jamais. C'est la guitare en plus, donc c'est dans le thème. D'ailleurs, en gros, il dit, allez, faut que je fasse une face B pour ce truc-là, donc ça y est, je me lance. Okay, here we go, brothers. Got a B-side to make, ladies and gentlemen. We haven't got much time now, so we better get right on with it. C'était George Harrison, une face B. J'aime moins, j'aime moins. On revient à l'album de la semaine avec Real Love, la version complète de John Lennon avant que les Beatles, les trois autres, les Threatles, se mettent dessus. Vous verrez que c'est plutôt très très bien. Et puis je vais enchaîner avec une autre chanson rare de McCartney. J'avais envie de vous faire quelques raretés en fin de, d'année comme ça. World. All they really needed from you. expert years away from your dreams. Too late for cruel life, now it seems. On your little plans and schemes, nothing but a bunch of dreams. All you really needed to do is maybe someone. At the bottom of the water spout, would you? l'impression quelquefois que Paul McCartney se lève le matin, prend son petit déjeuner tranquille, et puis allez, il compose une chanson juste parce qu'il fait beau et qu'il voit l'eau qui coule, et puis ça lui semble très très bien. Eh bien, il a raison, Paul McCartney, qu'il continue comme ça. Et d'ailleurs, il n'a jamais mis aussi longtemps entre deux albums. Je parle de deux albums studio. Dernier album, 2013, avec l'album New. Eh bien, on attend le nouveau. Ça aura fait 5 ans. Je pense, c'est certain, il va sortir en 2018. Mais vivement, quoi, ça nous manque. Vivement un nouvel album de Paul McCartney. Voici la chanson de Noël de Ringo Starr. Je vous ai choisi sur l'album I Wanna Be Santa Claus, sorti en 1999. Je vous ai choisi Blue Christmas, une chanson connue, c'est une reprise. C'est Ringo Starr. Ringo Starr. Ringo Starr. La saga des Fab Four sur RIG 90.7, bien sûr. Without you, I'll be so blue, thinking about you. Decorations in red on a green Christmas tree. That's certain. And when the blue heartaches start hurting, you'll be doing all right with your Christmas up white. But I'll have a Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. That you know who you are. What do show. Plusieurs fois durant les Beatles, John et Paul, deux chansons, une à chacun, une à John, une à Paul, que l'on mixe ensemble pour en faire une seule, une grande, d'un seul côté, quoi, si on veut. La première, One of the Beautiful People, c'est du John, et la deuxième, Baby You're a Rich Man, c'est du Paul. À la fin, ça fait How Does It Feel to Be One of the Beautiful People? C'est sur RIG et c'est dans la saga des Fab Four, extrait de Magical Mystery Tour, bien évidemment. Je vous propose de vous remettre à la gratte avec cette belle chanson de John Lennon un an plus tard, en 1968, Julia, sur RIG. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, song of love, Julia, Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind. Song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia. Julia. reste avec John Lennon sur l'album acoustique. Voici Look at Me sur RIG. Supposed to be, who am I supposed to be? Look at me, what am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. For you, what can I do for you? Here I am. Oh, my love. Oh, my love. Please look at me. Encore les Beatles avec Christmas et George Harrison avec Christmas aussi. Voici les Beatles. Christmas Time is Here Again sur le CD Free as a Bird en 95. Cet extrait de là. Wish you everything you wish yourself for Christmas. Moi, c'est Thierry Gallet et je vous souhaite un très très bon Noël avec un petit peu d'avance. When Christmas time's over and your bonny clay is through, I'll be bristling to you people. All the best from me to you. When the beastie dragon mutton to the hill in Little Lane, I'll be strutting out my tether. Your arms once back again. Buck away, you boy. N'oubliez pas les paroles de George Harrison. Hier, demain, c'était. Enfin, ce sera aujourd'hui. Attendez, je ne sais plus. On l'écoute. Saga des Fab Four avec trois chansons parmi les très très belles. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me.

d'être resté et d'avoir écouté cette avant-dernière émission de l'année, car oui, je serai là la semaine prochaine pour un dernier tour de piste. Je vous laisse en compagnie du meilleur. Il s'appelle Eric Gallo et il vous compte tout sur Johnny de A à Z. À très bientôt. Bisous les filles, prenez de main aux garçons et à plus tard. Ciao.